Lettre de Mademoiselle Jerusha Abbott à Monsieur Faucheux Smith. 215 Ferguson Hall, le 24 septembre. Cher membre du comité qui envoie les orphelins au collège, me voici. J'ai voyagé hier pendant 4 heures dans un train. C'est une sensation bizarre, n'est-ce pas? Cela ne m'était jamais arrivé. Le collège est immense, impressionnant. Chaque fois que je quitte ma chambre, je m'y perds. Plus tard, quand je ne me sentirai moins troublé, je vous en ferai la description et je vous donnerai des détails sur mes cours. Les classes ne commenceront pas avant lundi matin et c'est aujourd'hui samedi, mais je tenais à vous écrire immédiatement pour faire connaissance. C'est drôle d'écrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je trouve même très drôle d'écrire une lettre. Je n'en ai jamais écrit plus de 3 ou 4 dans ma vie. Donc, veuillez excuser si mes lettres ne sont pas des modèles de style. Avant mon départ, hier matin, Madame Lippett et moi nous avons eu une conversation très sérieuse. Elle m'a dit quelle devait être ma conduite pendant le restant de ma vie, surtout envers le bon monsieur qui fait tant pour moi. Il faut que je le traite avec beaucoup de respect. Mais comment traiter avec beaucoup de respect quelqu'un qui se fait appeler John Smith? Pourquoi ne pas avoir choisi un nom un peu personnel? Autant écrire à Cher boîte aux lettres, à Cher moulin à café. Cet été, j'ai beaucoup pensé à vous. Ayant rencontré quelqu'un qui, après tant d'années, veut bien s'intéresser à moi, j'ai la sensation d'avoir à peu près une famille. Il me semble que j'appartiens à quelqu'un, et c'est une sensation réconfortante. Je dois cependant avouer que quand je pense à vous, mon imagination ne trouve guère matière à travailler. Je ne sais que 3 choses. Premièrement, vous êtes de grande taille. Deuxièmement, vous êtes riche. Troisièmement, vous détestez les jeunes filles. À la rigueur, je pourrais vous appeler « cher monsieur qui détestait les jeunes filles ». Mais cela ne serait pas flatteur pour moi. Je pourrais dire aussi « cher monsieur l'homme riche ». Mais ce ne serait pas flatteur pour vous, comme si vous n'avez rien de plus personnel que votre argent. Et puis, être riche n'est qu'une qualité superficielle. Qui sait, peut-être ne serez-vous pas riche toute votre vie. Tant d'hommes très intelligents se sont ruinés à la bourse. Mais au moins vous resterez grand toute votre vie. Et c'est ainsi que je me suis décidée à vous appeler « cher papa Faucheux ». J'espère que vous ne vous en formaliserez pas. C'est un petit nom d'amitié que je vous donne. Nous ne le dirons pas à Madame Lippett. Dans 2 minutes, la cloche sonnera. Il est presque 10 heures. Nos journées sont divisées en sections, réglées par des cloches. Nous mangeons, nous dormons, nous travaillons au son des cloches. C'est divertissant. J'ai constamment la sensation d'être un cheval de pompier. La voilà, la cloche. Éteignez tout. Bonne nuit. Voyez comme j'adhère scrupuleusement au règlement. C'est l'empreinte de l'asile John Greer. À vous, très respectueusement, Jerusha Abbott. À Monsieur Faucheux Smith, le 1er octobre. Cher papa Faucheux, j'aime le collège de tout mon cœur et je vous aime parce que vous m'y avez envoyé. Je suis heureuse, très heureuse, et dans un tel état de surexcitation que je puis à peine dormir. Vous ne vous imaginez pas comme cela ressemble peu à l'asile John Greer. Je n'avais jamais rêvé qu'il y eût un pareil endroit dans le monde. Je plains toute créature humaine qui n'est pas une jeune fille et qui ne peut pas venir ici. Je suis sûre que le collège où vous avez été élevé ne valait pas celui-ci. Ma chambre est dans une tourelle qui était la salle des maladies contagieuses avant qu'on ait construit la nouvelle infirmerie. Sur le même palier avec moi, sont 3 autres jeunes filles. Une ancienne qui porte des lunettes et nous demande constamment de faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Et 2 étudiantes de première année nommées Sally McBride et Julia Rutledge Pendleton. Sally a les cheveux rouges et le nez retroussé. Elle est très gentille. Julia vient d'une des premières familles de New York. Elle ne m'a pas encore remarquée. Elles ont la même chambre, tandis que l'ancienne et moi, nous avons chacune une chambre séparée. Généralement, on ne donne pas aux étudiantes de première année des chambres séparées. Elles sont très rares, mais j'en ai eu une sans l'avoir demandée. Je présume que l'administration a pensé que ce ne serait pas correct de demander à une jeune fille bien élevée de loger avec une enfant trouvée. Vous voyez qu'il y a des avantages à l'être. Ma chambre est au nord-ouest, avec 2 fenêtres et une jolie vue. Quand on a vécu pendant 18 ans dans une pièce avec 20 camarades de classe, c'est reposant d'être seul. C'est la première fois que j'ai l'occasion de faire connaissance de Jerusha Abbott. je crois qu'elle me plaira. Et vous, vous plaira-t-elle ? Mardi, on organise l'équipe de basketball des élèves de première année. Il est possible que j'en fasse partie. Je suis petite, bien entendu, mais très vive, souple et résistante. Pendant que les autres sont en train de sautiller, je peux me faufiler sous leurs pieds et saisir la balle. C'est tellement amusant de s'y exercer là-bas, dans le champ d'entraînement, l'après-midi, sous les arbres rouges et jaunes, l'air rempli d'une odeur de feuilles brûlées, pendant que tout le monde crie et rit aux éclats. Je n'ai jamais vu de jeunes filles aussi heureuses, et moi, je suis la plus heureuse de toutes. J'avais l'intention de vous écrire une longue lettre et de vous parler de toutes les choses que j'apprends. Madame Lippette m'a dit que vous vouliez être renseignée. Mais la cloche de 7 heures vient de sonner et d'ici 10 minutes, il faut que je sois au champ d'entraînement dans mon costume de gymnastique. Vous espérez bien que je ferai partie de l'équipe, n'est-ce pas ? Toujours votre bien dévoué, Jerusha Abbott. Post-scriptum, 9 heures. Sally McBride vient de passer la tête par ma porte. Voici ce qu'elle m'a dit. « J'ai le mal du pays à un tel degré que je n'en peux plus. Et toi ?» J'ai souri un peu et j'ai dit que non, que je croyais que je m'en tirerais. Le mal du pays, j'échappe au moins à cette maladie-là. Je n'ai jamais entendu dire qu'on pouvait avoir le mal d'asile. Qu'en dites-vous ? Le 10 octobre. Cher papa Faucheux, avez-vous jamais entendu parler de Michel-Ange ? C'était un artiste célèbre qui vivait en Italie au Moyen-Âge. Dans la classe de littérature anglaise, tout le monde avait l'air de le connaître, et toute la classe s'est tordue parce que j'ai cru que c'était un archange. Il a un nom d'archange, n'est-ce pas ? Ce qui est ennuyeux au collège, c'est qu'on est censé savoir un tas de choses que l'on n'a jamais apprises. Parfois, c'est très embarrassant. Mais maintenant, quand les jeunes filles parlent de quelque chose que j'ignore, je me tais et je la cherche dans l'encyclopédie. Le premier jour, je me suis joliment trompée. Quelqu'un parla de Maurice Maeterlinck et je demandais si c'était un élève de première année. Cette plaisanterie a fait le tour du collège. Mais n'importe, je suis aussi intelligente que les autres de ma classe et plus que la plupart d'entre elles. Voulez-vous que je vous dise comment j'ai meublé ma chambre ? C'est une symphonie en marron et jaune. Le mur était d'une teinte chamois. Alors j'ai acheté des rideaux et des coussins de grosse toile dans le même ton et un bureau en acajou, occasion, $3. Une chaise en osier et un tapis marron avec une tache d'encre au milieu. Je place la chaise sur la tache. Les fenêtres sont très hautes. Quand on est assise, on ne peut pas regarder au dehors. Mais j'ai dévissé le miroir au-dessus de la commode dont j'ai capitonné le haut et que j'ai poussé contre la fenêtre. C'est parfait. Vous ouvrez les tiroirs qui alors forment des marches et vous montez. C'est le confort moderne. Sally McBride m'a aidé à choisir ce qu'il me fallait à une vente. Elle a habité toute sa vie une maison et elle se connaît en meubles. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est amusant de courir les magasins, de payer avec un véritable billet de $5 et de recevoir la monnaie quand on n'a jamais eu que quelques sous dans sa poche. Je vous assure, papa chéri, que j'apprécie énormément la pension que vous me faites. Sally est la personne la plus divertissante du monde. Et Julia Rutledge Pendleton, exactement le contraire. C'est que l'administration fait des mélanges bizarres quand elle distribue les chambres. Sally trouve tout drôle, même les corvées, et Julia trouve tout ennuyeux. Elle ne fait pas le moindre effort pour être aimable. Elle croit que si on est né Pendleton, cela seul suffit pour être admis au ciel. Julia et moi sommes nés pour être ennemis. Et maintenant, j'imagine que vous attendez avec beaucoup d'impatience le moment où je vous dirai ce que je suis en train d'apprendre. 1. Latin. 2e guerre punique. Hannibal et son armée ont campé hier soir au lac Trasimène. Ils avaient préparé une embuscade pour les Romains et une bataille a eu lieu ce matin à la 4e veillée. Les Romains battent en retraite. 2. Français. 24 pages des 3 mousquetaires et 3e conjugaison. Verbes irréguliers. 3. Géométrie. Avons fini les cylindres, sommes au cône. 4. Anglais. On pioche la composition. Mon style gagne chaque jour en clarté et en concision. 5. Physiologie. On arrive au tube digestif. À la prochaine séance, la bile et le pancréas. À vous, en bonne voie d'être instruite, Jerusha Abbott. Post-scriptum. J'espère, papa, que vous ne toucherez jamais aux boissons alcooliques. C'est terrible pour le foie. Mercredi. Cher papa Faucheux, j'ai changé de nom. Sur la liste, je suis toujours Jerusha, mais partout ailleurs, je suis Joujou. C'est vraiment désolant, n'est-ce pas, d'être obligé de se donner le seul petit nom qu'on ait jamais eu. Le nom de Joujou, cependant, n'est pas de mon invention. C'est celui que Freddy Perkins me donnait avant qu'il ne parlât distinctement. C'est dommage que Madame Lippett ne soit pas un peu plus ingénieuse quand elle choisit les noms des bébés. Elle va chercher les noms de famille dans le livre des téléphones. Vous trouverez Abbott à la première page. Et elle prend les petits noms n'importe où. Elle a cueilli le nom de Jerusha sur une tombe. J'ai toujours détesté ce nom. Mais j'aime assez Joujou parce que c'est un nom si absurde. Il convient à un genre de jeune fille qui ne me ressemble pas. Un petit amour avec des yeux bleus, dorloté, gâté par toute la famille, qui passe à travers la vie sans peine ni souci. Que j'aimerais être cette petite-là. Quels que soient mes défauts, personne ne peut m'accuser d'avoir été gâtée par ma famille. Mais c'est amusant de faire à croire que je l'ai été. À l'avenir, je vous prie de vous rappeler que je m'appelle Joujou. Voulez-vous que je vous dise quelque chose ? J'ai 3 paires de gants de chevreau. Jusqu'à présent, je n'ai eu que des mitaines à Noël, mais jamais de gants avec 5 doigts. Je les sors et je les essaye de temps en temps. Il faut que je me retienne pour ne pas les mettre en classe. La cloche sonne pour le dîner. Au revoir. Vendredi. Pensez, le professeur d'anglais a dit que mon dernier devoir montre une grande originalité. Je vous assure qu'elle l'a dit. Ce sont ses propres paroles. Quand on pense aux 18 ans que j'ai passés à l'asile, on a peine à le croire, n'est-ce pas ? L'idéal de l'asile de John Greer, vous le savez sans doute et vous l'approuvez, est de faire des 97 orphelins 97 jumeaux. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si je critique l'endroit où j'ai passé ma jeunesse. Mais vous tenez le bon bout, car si je deviens trop impertinente, vous n'aurez qu'à cesser l'envoi de vos chèques. Ce que je viens de dire n'est pas très poli, mais vous ne pouvez guère espérer de trouver chez moi de bonnes manières. Un asile d'enfants trouvé n'est pas un pensionnat de jeunes filles du monde. Vous savez, papa, ce n'est pas le travail ici qui m'effraie, ce sont les jeux. La plupart du temps, je ne comprends même pas de quoi parlent les jeunes filles. Leur plaisanterie semble se rapporter à un passé qui existe pour tout le monde, excepté pour moi. Je suis une étrangère dans le monde, et je ne comprends pas la langue qu'on y parle. C'est un sentiment pénible. Je l'ai eu toute ma vie. À l'école, les jeunes filles causaient en groupe et me regardaient à peine. J'étais bizarre et à part, et tout le monde le savait. Je sentais que les mots « Asile John Greer » étaient imprimés sur mon front. Et alors, des âmes charitables se faisaient un devoir de s'approcher de moi et de me dire quelque chose d'aimable. Je les haïssais toutes, les âmes charitables, plus que les autres. Ici, personne ne sait que j'ai été élevée dans un asile. J'ai dit à Sally McBride que mes parents étaient morts et qu'un bon vieux monsieur m'a envoyée au collège, ce qui est la vérité à un certain point de vue. Je ne veux pas que vous croyiez que je suis lâche, mais je voudrais tant être comme les autres jeunes filles. Et cette ombre de l'asile s'étendant sur mon enfance est la seule différence qui me sépare d'elle. Si je pouvais tourner le dos au passé et effacer le souvenir, je crois que je plairais autant que n'importe qui. Je ne crois pas qu'il y ait au fond une différence réelle. Et vous ? En tout cas, Sally McBride m'a prise en affection. Toujours à vous. Joujou Abbott, née Jerusha. Samedi matin. Je viens de relire cette lettre et elle ne me paraît pas très gaie. Mais n'avez-vous pas deviné que pour lundi matin, j'ai un devoir spécial et une récapitulation en géométrie et surtout un vilain rhume de cerveau ? Dimanche. J'ai oublié hier de mettre cette lettre à la poste, ce qui fait que je vais ajouter un post-scriptum indigné. Nous avons eu la visite d'un évêque ce matin, et devinez ce qu'il a dit. La promesse la plus bienfaisante qui nous est faite dans la Bible est celle-ci. Les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Ils sont sur la terre pour nous rendre charitables. Veuillez remarquer que, selon lui, le pauvre est une espèce d'animal domestique. Si je n'étais pas devenue une personne bien élevée, je serais allée lui dire après le service ma façon de penser. Le 25 octobre. Je fais partie de l'équipe du basketball, et si vous voyez les bleus que j'ai à l'épaule, c'est une tache violette et brune avec des petits raies orange. Julia Badalton a fait tout ce qu'elle a pu pour être de l'équipe, mais elle n'a pas réussi. Hourra ! Vous voyez comme je suis méchante. » Le collège devient de jour en jour plus agréable. Tout m'y plaît. Les jeunes filles, les professeurs, les classes, le campus et la nourriture. On nous sert des glaces 2 fois par semaine et jamais de lentilles. Vous ne vouliez avoir de mes nouvelles qu'une fois par mois, n'est-ce pas? Et voici que je vous larde de mes lettres tous les 2 jours. Mais toutes ces nouvelles aventures m'ont tellement surexcitée qu'il faut que j'en parle à quelqu'un. Et vous êtes la seule personne que je connaisse. Veuillez excuser mon exubérance. Je me calmerai bientôt. Si mes lettres vous fatiguent, vous n'avez qu'à les jeter au panier. Je m'engage à ne plus écrire avant le milieu de novembre. À vous, en plein bavardage. Joujou, Abbott. Le 15 novembre. Cher papa Faucheux, écoutez ce que j'ai appris aujourd'hui. L'aire latérale d'une pyramide régulière est égale au demi-produit du périmètre total de la base par la hauteur d'un des triangles latéraux. On ne le croirait pas, mais c'est vrai tout de même. Je sais le démontrer. Je ne vous ai jamais parlé de mes toilettes, papa, n'est-ce pas? 6 robes, toutes neuves, et belles, et achetées pour moi. Elles n'ont pas été portées d'abord par une des grandes. Je suis sûre que vous ne vous rendez pas compte de l'importance de cela dans la vie d'une orpheline. Vous me les avez données, et je vous suis très, très, très reconnaissante. C'est une belle chose que l'instruction, mais tout cela n'est rien à côté du fait vraiment éblouissant de posséder 6 robes neuves. C'est Mademoiselle Pritchard qui fait partie du comité d'inspection qui les a choisies, pas Madame Lippett, Dieu soit loué. J'ai une robe de soirée en mousseline rose sur un transparent de soie. Dieu qu'elle me va bien. Une robe bleue pour aller à l'église. Une robe de dîner en voile rouge avec une garniture orientale. Là-dedans, j'ai l'air d'une bohémienne. Une autre en pongée rose, un costume tailleur gris et une robe de tous les jours que je porte en classe. Pour Julia Rutledge Pedenton, cela ne serait pas un trousseau bien extraordinaire. Mais pour Jerusha Abbott, oh là là! Je suis sûre que vous vous dites, quel petit être frivole et borné, comme c'est de l'argent mal dépensé que de faire élever une jeune fille. Mais papa, si vous aviez porté toute votre vie des robes de guingamp à carreaux, vous me comprendriez. Mon entrée à l'école a marqué une autre phase de mon existence, pire que celle des guingamps à carreaux, le vestiaire des pauvres. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de ma détresse. Quand je devais paraître en classe, dans ces misérables robes du vestiaire des pauvres, j'étais sûre d'être placée à côté de la jeune fille à qui ma robe avait appartenu. Elle chuchotait et riait tout bas et la montrait aux autres. L'amertume de porter les robes de rebut de vos ennemis vous fend l'âme, et si je devais porter des bas de soie le restant de ma vie, je ne pourrais oublier cette blessure. Dernier bulletin de la guerre. Nouvelle du front. Le jeudi 13 novembre, à la 4e veillée, Hannibal mit l'avant-garde des Romains en fuite et conduisit les forces carthaginoises par-delà les montagnes, dans les plaines de Casilinum. Engagement entre une cohorte légère de Numides et l'infanterie de Quintus Fabius Maximus. 2 batailles et quelques escarmouches. Les Romains repoussés avec de lourdes pertes. J'ai l'honneur d'être votre correspondant spécial sur le front. Joujou, Abbott. Post-scriptum. Je sais que je n'ai pas à attendre de lettres en réponse aux miennes, et on m'a dit qu'il ne fallait pas vous ennuyer de mes questions. Mais dites-moi, papa, rien que pour cette fois-ci, êtes-vous terriblement vieux ou seulement un tout petit peu? Et êtes-vous tout à fait chauve ou seulement un tout petit peu? C'est très difficile de penser à vous d'une manière abstraite, comme à un théorème de géométrie. Étant donné un homme riche et de haute taille, qui déteste les jeunes filles, mais qui est très généreux envers une jeune fille bien impertinente, quel aspect a-t-il ? RSVP.